l'Université autonome de Barcelone, mais il y a de cela 10 ans. Je suis à la retraite depuis 10 ans. Mais bon, je suis toujours en contact et on réussit encore à me solliciter pour certaines questions comme celle-là. La Catalogne entre deux États différents. Et c'est vrai que j'ai été pris à mon piège avec la Catalogne autonome au sens institutionnel du terme dans l'État espagnol et la Catalogne du Nord dans l'État français à la recherche de son autonomie. Et c'est vrai que ces deux Catalognes sont différentes, tout à fait. On pourrait dire qu'une est l'opposé de l'autre dans la mesure où l'une appartient à un État et l'autre à l'autre État et que ces deux États sont très différents l'un de l'autre. Ne se sont pas construits de la même façon à la même époque. Je reviendrai sur les différences entre les deux États lorsque je parlerai de la Catalogne du Nord, ce que vous appelez le Roussillon en général. Et donc, je vais démarrer sur un moment critique de la Catalogne qui est celui de la fin du régime franquiste et de sa recherche de personnalité, si ce n'est d'autonomie encore, de sa recherche politique, de sa recherche de... Alors, la Catalogne, on la voit ici, là, cette image de l'Espagne, d'où on élimine toujours le Portugal, et je ne vois pas pourquoi, la Catalogne, vous voyez où elle se situe, n'est-ce pas, au nord-est de la péninsule. C'est vrai que c'est un territoire triangulaire assez petit, mais qui a une force considérable du point de vue économique et aussi politique. Ça, c'est pour situer plus ou moins où se trouve la Catalogne par rapport à toutes les autres autonomies. Là, vous avez la carte des autonomies, des 17 autonomies de l'État espagnol, autonomies officielles qui donnent à l'État espagnol son caractère décentralisé, disons, qui n'a rien à voir avec l'État français, là aussi. Voilà pour les deux sommaires, mais je vais passer tout de suite à ce que je vous disais tout à l'heure, la période de la résistance. Au moment où se crée en 1965 ce qu'on appelle l'Òmnium Cultural, qui est une association de la société civile qui a bien changé depuis ses débuts. Au début, c'était la bourgeoisie catalane qui commençait déjà à manifester ses velléités par rapport à l'État central et qui avait créé cet organisme qui regroupait, qui défendait la culture catalane et la langue catalane en général. C'était déjà en 1965, 10 ans avant la mort de Franco, 10 ans. Par contre, l'Assemblée de Catalogne va être tout à fait autre chose. Et là, oui, c'est la société civile qui s'organise. Elle est créée en 1971. 4 ans avant la fin du dictateur, et elle va regrouper toutes les forces politiques, syndicales, culturelles, sociales de la Catalogne. C'est-à-dire, ça va être vraiment un mouvement très curieux d'une société civile qui s'organise d'une façon très forte, qui maille le territoire grâce à toutes les délégations de toutes ces organisations syndicales, politiques, culturelles. Et ça va avoir une importance capitale, cette Assemblée de Catalogne, où on trouve depuis l'extrême gauche jusqu'à des carlistes, c'est-à-dire des gens qui songent encore à une monarchie qui n'existe plus. Et donc, ce sera une force considérable qui va porter tout le mouvement de la transition qui va venir tout de suite après. Cette société civile a une force considérable et est fortement structurée et organisée. Je reviendrai sur cette notion de société civile. La transition démocratique, là tout le monde n'est pas d'accord sur les dates, si ça commence en 77 ou si ça finit en 80, en tout cas c'est dans ces eaux-là. 77 pourquoi? C'est la reconnaissance de la Catalogne, de la généralité de Catalogne, qui est une institution de la République et c'est la première à être réintroduite tout de suite en 77 par Adolfo Suárez, qui est à ce moment-là le président du Conseil, en accord avec le roi. Et il fait venir Tarradellas, qui était à Martin-le-Beau, c'est-à-dire en France, en train de représenter la Catalogne exilée, la présidence de la Généralité de Catalogne à l'exil. Et elle sera réintroduite comme la première institution de la République qui est restaurée. C'est assez important. Auparavant, le Congrès de culture catalane, qui a lieu en 75 et 76, est un exemple, je dis, insolite de ce que la société civile catalane est capable de produire, c'est-à-dire un collectif intellectuel et social. C'est-à-dire, ça va être un mouvement qui va durer toute une année, dans lequel la société civile va faire le bilan de tout ce qu'elle veut préserver et de tout ce qu'elle a dans les mains pour triompher, pour porter ses idées à terme. Et donc, ce collectif, j'ai eu beaucoup de mal souvent à le faire comprendre aux Français. Ils ne comprennent pas pourquoi un tel mouvement, à quoi sert-il, quel est son objectif. Et c'est vrai qu'il m'est difficile de trouver des moments comparables dans la société française, dans lequel la société française se pose le problème de son devenir politique, culturel, identitaire, etc., dans lequel toute la population va participer. C'était le cas. Peut-être la fête de la fédération. Je me suis interrogé parfois si la fête de la fédération avait un sens. Quel sens avait-il? Ou à la libération? Est-ce que à ce moment-là, on fonde une nouvelle république ou quelque chose de différent? C'est possible. Est-ce que mai 68 a représenté un mouvement de réflexion sur le passé et le futur de ce qu'était la France de 68? Mais c'est possible. En tout cas, pour nous, le congrès de culture catalane, c'était faire le bilan de tout ce que nous avions dans tous les domaines de la science et de la culture pour faire en sorte que la Catalogne devienne une réalité tangible. Ensuite, la transition comporte également l'approbation par référendum de la Constitution espagnole en 1978 et du statut d'autonomie en 1979 et le Parlement de Catalogne en 1980. Donc c'est pour ça que bien souvent 1980 est considéré comme étant la fin d'une certaine transition, encore que cette transition n'est jamais terminée. Et donc cette autonomie, vous allez vous demander, ce statut d'autonomie, à quoi sert-il? Qu'est-ce que c'est? Etc. Ça aussi c'est nouveau pour... Ce n'est pas tout à fait... les Länder, issus de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui récupèrent un long passé de toutes les petites monarchies qui existaient auparavant au XIXe siècle. C'est donc quelque chose de nouveau, ce statut d'autonomie. Ce n'est pas non plus un État fédéral, étant donné que les statuts d'autonomie, qui au début concernaient quatre territoires, trois d'abord, puis quatre, va concerner tous les territoires de l'État espagnol, vous allez voir pourquoi. Mais au début, c'est la Catalogne et le Pays Basque, les deux premiers, à revendiquer ce statut d'autonomie qui existait déjà sous la Seconde République en 1931 et qui ont été supprimés par Franco en 1939. Et donc, on recrée ce statut d'autonomie, on récupère ce statut d'autonomie, ce qui veut dire que la Catalogne va avoir un parlement qui va faire des lois qui seront applicables sur son territoire, qui seront soumises bien sûr au pouvoir central, comme d'ailleurs l'approbation du statut d'autonomie sera également approuvée par les Cortes générales à Madrid. Et donc ces quatre premières, je disais trois, d'abord il y a la Galice aussi qui était dans le processus. La Galice et le Pays valencien étaient deux territoires qui auraient bien accédé à un statut d'autonomie en 1936, mais comme il y a eu le coup d'État militaire de Franco, ils n'ont pas pu le réaliser. La dernière arrivée à l'autonomie d'une façon forte, c'est l'Andalousie. L'Andalousie a fait un référendum dans lequel elle a demandé à être reconnue parmi ce que l'on appelait les autonomies historiques. Et c'est vrai que l'Andalousie a une forte personnalité et avait besoin, elle aussi, de retrouver, son propre gouvernement pour son développement, parce que c'était une région très pauvre à l'origine. Donc, l'Andalousie a réussi par référendum à avoir également accès à ce qu'on appelle les autonomies historiques. C'était l'article 151 de la Constitution. Par contre, toutes les autres autonomies étaient l'article 148 qui leur donnait un pouvoir très relatif, celui qu'elles avaient réussi à acquérir du pouvoir central. C'était comme un marché entre le pouvoir central et chaque autonomie. Mais ce qui est curieux, c'est que le fait que les quatre autonomies historiques aient réussi à être approuvées a déchaîné un désir chez tout le monde de vouloir le même traitement. Et donc, c'est ce qu'on appelait, cette opération s'est appelée le café para todos, café pour tous. Seulement, ce faisant, ce café pour tous allait être de plus en plus dilué à travers les décennies suivantes, comme c'est souvent le cas. Je dois aussi parler de deux lois linguistiques, parce que ça, c'est nouveau. Ça, comment dire, la Catalogne n'avait pas réussi, sous la Deuxième République, à voter des lois linguistiques. Et là, on a récupéré une tradition qui existait au Québec, mais aussi en Belgique, dans laquelle il y a des lois de protection de ces langues, et pas seulement de protection, mais de développement, d'enseignement, de tous les domaines. Il faut dire que nous avons en Catalogne une bourgeoisie qui était à côté qui était en plein dans cette demande aussi, sûrement en rapport avec l'État central, et s'en servait comme arme de négociation avec l'État central. En tout cas, ces deux lois de normalisation linguistique de 83 et de 89 ont été vraiment, la première a été une réussite dans la mesure où elle a été votée par l'unanimité, aussi bien par la droite que par la gauche, tout le Parlement, et a été approuvée à Madrid. C'est une loi qui rendait le catalan obligatoire à partir de 4 ans pour tous les enfants, tous, c'est-à-dire ceux qui étaient catalans d'origine, ça ne posait aucun problème. Par contre, pour les autres, à partir de 4 ans, ils voulaient, c'était les fils des immigrés andalous et toutes les communautés qui étaient arrivées en Catalogne sous le franquisme et qui habitaient en Catalogne, qui voulaient également acquérir pour leurs enfants, en tout cas, la langue catalane, parce qu'ils se rendaient bien compte que c'était une langue qui était celle des patrons, de celle des intellectuels, qui était une langue à prestige et qui, eux aussi, ne voulaient pas être écartés de cette donnée de base. Et donc, les parents d'élèves ont été les premiers demandeurs des écoles d'immersion en catalan pour les enfants n'ayant pas le catalan comme langue primaire. Je travaillais dans ce domaine de l'immersion linguistique de 84 et nous nous inspirions du modèle québécois dans ce domaine, qui eux le faisaient entre l'anglais et le français. Et la langue d'immersion était le français pour les enfants qui ne l'avaient pas. Voilà pour les deux lois linguistiques. La situation de crise avec l'État central. Je fais un saut maintenant sur la situation actuelle qui peut-être vous intéresse davantage. Le vote du second statut de Catalogne par le Parlement en 2006 a été approuvé également par le Parlement de Madrid, de Zapatero. Par contre, une sentence qui est arrivée 4 ans après de 2010 rejette le statut d'autonomie de la Catalogne, alors qu'il a été voté et approuvé par le Parlement de Catalogne et par les Cortes de Madrid. Nous sommes là dans une situation très critique qui va créer une réaction en chaîne des Catalans à partir de 2010. Ça sera la première grande manifestation unitaire, je tiens à le dire, à ce moment-là. Le slogan était Catalunya es una nació. La Catalogne est une nation. C'était surtout parce que le tribunal de Madrid avait refusé cette conception et nous rejeter à une nationalité qui pour eux était quelque chose de secondaire. Curieusement, jouer sur les mots, là aussi. Mais cette sentence a déclenché quelque chose que l'on ne pouvait pas supposer à l'époque. Quand je dis unitaire, ça veut dire que 80% des partis du Parlement étaient favorables à cette première consigne qui n'était pas encore indépendantiste, mais qui était unitaire de tout le Parlement. 80%. Ce sera donc des campagnes, du début des campagnes de l'indépendance à partir de 2012, de la société civile. On pourrait dire que là, l'Omnium Cultural qui existe toujours, mais qui s'est transformé et devenu quelque chose de beaucoup plus démocratique et qui regroupe tous les territoires, mais aussi l'ANC, Assemblée Nationale de Catalogne, c'est une organisation plutôt civique que politique. qui va regrouper tous les gens qui ont compris que ce rejet était énorme et que maintenant c'est une négation de la Catalogne qui est devant nous, a fait se dresser une partie importante du peuple de Catalogne qui a participé à ces manifestations de 2010, 2011, 2012, 2013. Nous en sommes à 2016. Ces jours-ci, je suis sollicité, je disais à mes collègues de table que je reçois tous les jours 10 messages provenant de 10 personnes différentes qui m'invitent à participer aux manifestations du 11 septembre, c'est-à-dire dans 2 jours, dans une des villes où il y a ces manifestations. Ces manifestations étaient considérables, vous en avez sûrement entendu parler, elles ont regroupé près de 2 millions de personnes à chaque fois. Mais c'est vrai que lorsqu'il s'agit de passer à la réalité, de transformer ces 2 millions de personnes en une réalité politique tangible, alors là on s'aperçoit que ça regroupe 50% de la population. Ça veut dire que toute la Catalogne n'était pas dans la rue, bien sûr, et qu'une partie ne s'est pas reconnue dans cette consigne de l'indépendance. Ce qui veut dire également couper les ponts, on appelle ça déconnexion, couper les ponts avec l'État central espagnol, et c'est un peu ouvrir la porte un peu à l'inconnu, dans la mesure d'ailleurs où l'Espagne elle-même est confrontée à un problème énorme, non seulement posé par la Catalogne, mais aussi posé par la Catalogne. Un problème dans lequel elle ne trouve pas de formule de gouvernement. Vous savez qu'il n'y a pas de gouvernement actuellement en Espagne et qu'on voit mal avec qui les indépendantistes peuvent se déconnecter, étant donné qu'il n'y a personne en face. Et donc on attend que l'Espagne se réveille un peu de cette. Alors il est vrai qu'entre-temps, l'Espagne a changé aussi et que. Il y a l'émergence de ce qu'on appelle les émergents, c'est-à-dire les nouveaux partis politiques qui tournent le dos aux partis traditionnels que sont le PP pour la droite et le PSOE pour la gauche. Actuellement, il y a Podemos à la gauche et il y a Ciudadanos à la droite. Je parlerai de ces quatre forces tout à l'heure. En tout cas, il y a des manifestations spectaculaires de la société civile catalane depuis 2010. Je ne sais pas si l'on peut entendre cette société civile comme une forme de recherche d'autonomie politique, étant donné que c'est elle qui marque l'agenda aux partis politiques et qui exige aux partis politiques d'appliquer ce que la société civile souhaite. Il y a même un slogan récemment, où j'ai reçu un message récemment, dans lequel on dit que si on ne se manifeste pas, les partis politiques ne bougent pas. Et donc, c'est dans la mesure où nous manifestons que les partis politiques bougent. Et donc, il y a cette envie de faire bouger les lignes par cette manifestation pro-indépendance, qui pose aussi beaucoup de problèmes, comme vous allez le voir. Il y a des mobilisations spectaculaires, donc cette société civile depuis 2010. C'est les manifestations qu'on appelle du 11 septembre 1714, je vous en ai parlé. Quelle est la situation politique actuelle en 2016? Il y a trois stratégies opposition, je vais vous les. Et voilà les forces politiques en présence au Parlement de Catalogne. En partant de la gauche vers la droite, vous avez les pro-favorables à l'indépendance et vers la gauche, ceux qui ne se prononcent pas ou ne seraient pas favorables. Au total, 135 députés pour une majorité de 68 députés. Les partis politiques, en jaune, c'est le coup, alors c'est un parti d'extrême gauche anticapitaliste. Il y a, alors, Convergencia Democrática alliée à Esquerra Republicana, deux partis, un de centre-droite et l'autre de centre-gauche, Esquerra Republicana, qui, à eux deux, ont fait une coalition, c'est ce que vous voyez en bleu ciel ou vert. Et puis, à côté, il y a une troisième force qui est, je ne sais plus lesquelles. Ensuite, il y a les socialistes et le PP en bleu. En rouge, vous avez Ciutadans. En orange, c'est le Parti socialiste. Et oui, celui que l'on voit là, je ne sais plus lequel c'est. Podemos, non. Oui, c'est ça. C'est l'équivalent de Podemos en Catalogne. Junts i Podem. Voilà les trois positions opposées en 2016 actuellement, hein. Vous avez ceux qui sont favorables à l'indépendance, qui regroupent 62 députés plus 9, c'est-à-dire 71 députés pour une majorité de 68. Le premier parti à l'intérieur de ce groupe, c'est CDC, centre des droites nationalistes, de l'ex-CIU de Jordi Pujol. Ça vous dit quelque chose? Jordi Pujol, c'était Oui, l'ancien président si. de la Généralité de Catalogne. Ensuite, Esquerra Republicana, qui est un parti républicain qui vient de la Deuxième République, gauche républicaine, catalane, je marque relativement nationaliste. Je ne sais pas si on peut être les deux à la fois. La coupe, extrême gauche indépendantiste et anticapitaliste. Alors, ce que l'on peut se demander, la coupe est indépendantiste, bien sûr, mais sur tous les plans, sur les plans économiques également, alors que CDC ne l'est pas du tout, c'est-à-dire ce sont des libéraux. Et donc, comment se fait-il qu'une coalition telle puisse être indépendantiste avec de telles contradictions entre eux? Mais ça les regarde, c'est leur problème. Et d'ailleurs, ils ont eu beaucoup de problèmes pour arriver à former un gouvernement et à être votés. Mais ça tient par un cheveu et ça tient, on se demande comment et jusqu'à quand. Donc, nous avons là une partie des options. La première option. La deuxième option, c'est on maintient le système tel que, et c'est le système des autonomies, je vous rappelle, et c'est 25 plus 11, 36 députés de Ciutadans. J'aurais dû dire d'abord le Parti Populaire. Si je dis Ciutadans, c'est parce que Ciutadans a eu 25 députés, alors que le PP n'en a eu que 11. Donc, le PP est arrivé derrière Ciutadans. Ciutadans, Ciutadanos, ça c'est pareil. Alors, je les ai classifiés comme centre-droite modérée et jacobine. Eux ne veulent pas entendre parler de la Catalogne. Il y a l'Espagne, il y a le marché, etc., etc. Ensuite, troisième option, favorable au fédéralisme, pour ne pas dire fédéraliste, 16 plus 11, 16 du Parti Socialiste de Catalogne, qui sont catalanistes, ils font la différence entre catalanistes et nationalistes. Ce sont des Catalans qui ne sont pas nationalistes, ils sont de gauche. Et donc, eux défendent un accord où il y ait une majorité à 80% de la population de Catalogne et 80% du Parlement. Et on n'y est pas. On est à 50 et un peu plus. Et avec eux, Catalunya Sí que es Pot, c'est-à-dire Podemos, qui regroupe donc des contestataires qui sont partagés, eux, entre fédéralisme et indépendantisme. Ils ne se sont pas tout à fait prononcés encore, mais ils dirigent les mairies, vous le savez, de grandes villes comme Valence, Barcelone, Madrid, etc. Donc voilà les trois options. Vous me direz s'il y a des questions, et vous pouvez me demander dans laquelle je me situe, si vous voulez. Je crois que je me suis trompé là, non? Oui. Oui, j'ai terminé avec cette première partie sur la Catalogne dans l'État espagnol. Je suis conscient que je suis allé très vite. Si vous voulez, on peut faire des questions sur cette première partie déjà, si vous voulez. Qu'est-ce que vous... Oui, on peut faire comme ça, on fait pas comme ça d'habitude, mais c'est pas grave du tout. Ça me Ouais, permet de respirer. ça, ouais, exactement. Serguer les questions, c'est mieux. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y a quelqu'un une question tout de suite? Qu'est-ce que vous appelez les généralitats? Pardon? Les généralitats. Qu'est-ce que j'appelle généralitat? Oui. C'est la généralité. C'est un nom qui vient de très loin, du XVIIe siècle, je crois. Et je ne sais pas si l'origine est française, d'ailleurs, d'un général. C'est le gouvernement. La généralité de Catalogne, c'est le gouvernement de Catalogne, oui. C'est ça, la généralitat. C'est effectivement ça. Une petite question, une petite remarque. Je te disais tout à l'heure, j'étais l'an dernier, j'ai remis ça. À peu près cette époque-ci, là, et très bien, moi, je connais bien Barcelone, point de vue comme ça, et voilà, très, très bien, très touristique. Et en même temps, si tu veux, c'était juste après, là, comment tu l'appelles, c'est la journée là, de Grande Manif, là, c'est... 11 septembre. Ouais. Et ça m'avait frappé, d'un côté, une espèce de normalité de Mont-Saint-Michel, pour aller vite, et d'un autre côté, les mêmes gens apparemment qui sont radicalisés, si j'ose dire, au point de vue catalan, quoi. Tu as dû voir des drapeaux partout catalan, n'est-ce pas? Ouais, mais il y avait une sorte de... Parce que je connais très bien le Pays Basque le Sud, et les deux, quand même, sont là. La façon de vivre et la revendication sont quand même beaucoup plus, comment dire, Impliqué. substantielles, si j'ose dire. Là, j'ai l'impression d'une déconnexion entre... une vie quotidienne de grande capitale, Oui, ce oui. serait Florence, ce serait Venise, etc. Et puis donc un radicalisme politique, et qu'on ne lisait pas, que je lis dans les nouvelles, dans les des news dans ce que je... D'accord. Voilà ce que je veux dire, quoi. Espèce de... Mais ça doit être ça, la Catalogne aussi, j'ai l'impression que c'est... On ne le voit pas au premier abord, tu veux dire. Tu as demandé la parole. Ouais. La fragilité là, actuelle de, pour construire un gouvernement... En Espagne. En Espagne. Oui. Influe-t-elle sur les réflexions des indépendantistes ou des catalanistes aujourd'hui, sur les perspectives que se donner sur le combat qui va le mener pour... Oui, ça, je pense que ça les a désarçonnés. Est-ce qu'il y a un impact, cette fragilité forte, au-delà de la corruption des uns et des autres? Exact. C'est une vraie fragilité politique. Oui, qui nous a, qui a déconcerté, aussi, qui a déconcerté le mouvement pro-indépendance, qui s'était au début donné un laps de temps, 18 mois pour la déconnexion. Ces 18 mois, on n'en parle plus, étant donné qu'il n'est pas possible de mettre un terme, une date, étant donné qu'il n'y a personne en face. Et donc, tout dépendra de ce qui se passe à Madrid. Alors, évidemment, certains se disent on s'en fout de ce qui se passe à Madrid, nous, il faut qu'on suive notre propre processus. Mais à l'intérieur même du mouvement, tout le monde ne pense pas cela et cherche à négocier, veulent négocier, mais n'arrivent pas à négocier, ne peuvent pas négocier. D'ailleurs, il y a un blocage aussi de la part du pouvoir central à ne pas vouloir, étant donné qu'eux, ils n'ont aucun pouvoir, puisque c'est un gouvernement provisoire. Ils disent, écoutez, nous ne pouvons pas discuter de ces questions-là. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est une lassitude. D'abord, une certaine... On est déconcerté, bien sûr, mais aussi une lassitude dans le mouvement, parce qu'il y a longtemps qu'on se mobilise, et on se mobilise d'une façon très énergique. Quand je vois ce qui arrive maintenant pour la dernière mobilisation du prochain 11 de septembre, je sens bien qu'il y a quelque chose de cassé. Les citoyens semblent vouloir vraiment la proportionnelle, et c'est un élément majeur de leur négociation, semble-t-il. Oui. Alors, cette élection à la proportionnelle peut-elle aussi influer ou impacter les... Ils demandent la proportionnelle, mais elle n'est pas acquise, cette proportionnelle, puisque ça dépend de... Mais c'est un élément majeur, semble-t-il. Oui, bien sûr, ça le serait. Ça le serait. C'est pourquoi ils ne sont pas arrivés à un accord avec le Parti Socialiste, parce qu'eux attendent d'être les premiers dans l'opposition. Et ils en sont encore, ils en sont encore un peu loin. C'est-à-dire, la relation entre le PSOE et Podemos est encore de, je ne sais plus si c'est 60 contre 90, un truc comme ça. Et donc, ils espèrent grignoter en faisant encore capoter la solution d'une éventuelle... Alors, le PP veut gouverner avec le PSOE, ils veulent une grande coalition comme ça existe dans les pays nordiques, mais ça ne marche pas en Espagne, comme ça ne marche pas en France, d'ailleurs. Salut. Oui. Et il y avait quelqu'un d'autre aussi. Vas-y. Oui, alors, une question, cette approche comparative, moi, l'aspect qui me frappe beaucoup dans ce que tu as dit, dans ce que je savais, même si le courant nationaliste n'est pas majoritaire, en tout cas, il transparaît bien dans ce que tu as dit, qu'il est au fond sociologiquement bien ancré, oui. Et je dirais qu'il touche aussi bien les couches populaires que la bourgeoisie. Et moi, ce qui me frappe... Attends, je précise, plutôt les classes moyennes que les classes populaires. Les classes, populaires, ça, c'est intéressant. Les classes populaires ne dirigent pas ce mouvement, c'est la classe moyenne qui dirige ce mouvement et les classes populaires sont à la remorque de ce mouvement. Certaines. C'est intéressant parce que ça veut dire que là, il y a une histoire sociale et sans doute des références historiques différentes. Quand je pense à l'exemple berbère et kabyle en particulier que j'évoquais ce matin, il est frappant de voir qu'il y a une capacité de mobilisation invraisemblable avec des manifestations d'1,5 million de personnes à Alger en 2001-2002. Chaque 20 avril, vous avez des raz-de-marée de centaines de milliers de personnes qui manifestent à Tizouzou ou à Ouju. Mais ce sont les couches populaires et moyennes, pas du tout les couches supérieures, ni la bourgeoisie économique, ni l'essentiel des couches intellectuelles. Et moi, ça m'a toujours fait penser qu'au fond, ce mouvement revendicatif verte est un mouvement, au fond, sans élite en quelque sorte, ou en tout cas dont les élites étaient très fragiles et happées par le pouvoir central. On a l'impression chez vous que c'est l'inverse, que c'est plutôt les couches moyennes et supérieures qui sont porteuses et les couches populaires qui suivent, alors que chez nous, ça serait presque l'inverse. Je suppose que ça renvoie à l'histoire, que ça renvoie à l'économie, que ça renvoie à l'existence d'une vraie bourgeoisie économique ancienne, pas récente. Ça vient du 19e siècle. Voilà. Alors alors qu'en Afrique du Nord, les bourgeoisies d'affaires sont vraiment liées à l'appareil d'État. On ne peut pas comparer, je pense, voilà, dans ce cas-là. Hein. Là, il y a une différence intéressante sur le plan sociologique. Convergencia Democrática de Catalogne, qui représente ce centre-droite de la bourgeoisie, même de la haute bourgeoisie catalane, qui est très puissante, est en train, malgré tout, de perdre de son poids par rapport à Esquerra Republicana, qui, à l'intérieur de la même coalition, grignote. Parfois, Esquerra Republicana refuse d'être assemblée à Convergencia Democrática pour essayer de démontrer qu'elle aussi passe devant. Et effectivement, Esquerra Republicana représenterait plutôt les couches moyennes, alors que la coupe est beaucoup plus populaire et beaucoup plus la classe ouvrière. Du moins, c'est là qu'il se manifeste le plus. Coupe voulant dire comité ou candidature d'unité populaire. Candidature d'unité populaire, voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai que ce rapport entre bourgeoisie, haute bourgeoisie, classe moyenne et classe populaire a évolué au cours de l'histoire et de cette transition démocratique. Au début, les classes populaires et la classe ouvrière pesaient beaucoup pendant la transition où la gauche était prédominante dans le processus de la transition démocratique. Puis, ça s'est renversé au bénéfice du centre-droite de Jordi Pujol, qui a gouverné quand même pendant 23 ans, je crois. Et donc, ça veut dire que le pouvoir est réel. Mais ce pouvoir, il est en train de le perdre. Ce parti est en train de le perdre au bénéfice des classes moyennes représentées par Esquerra Republicana. Il y avait d'autres questions, la question elle est dans le même sens. Parce que, quoi, du coup, c'est assez amusant déjà de parler de bourgeoisie. Ici, on ne parle pas beaucoup comme ça dans ces termes-là, de bourgeoisie en français. Enfin, c'est un terme qui a quand même pas mal disparu, ou qui renvoie vraiment à une histoire marxiste. Mais en Bretagne, il y a un petit peu quand même une petite bourgeoisie qui défend l'indépendance. Et moi, pour ce que j'en ai compris, en fait, certains défendent cette indépendance dans l'idée de. Qu'on n'aura plus le pouvoir central à Paris, on pourra faire vraiment une espèce de zone franche en Bretagne et pourra faire des affaires. Plus le droit du travail, quoi. Franchement, c'est à peu près ce que j'en ai lu. Et du coup, là, c'est quoi l'intérêt de la bourgeoisie catalane? Parce que c'est pas très intéressant d'être un plus petit pays, d'avoir une zone économique plus petite. Il y a beaucoup de petits pays qui s'en sortent très bien du point de vue économique. La taille n'étant pas un motif, je pense. Sur plusieurs regroupements qu'il y a eu avec Hermine, une fois, il y avait eu la comparaison entre les Catalans et puis les Écossais. Et j'avais trouvé ça assez percutant, parce qu'en fait, les Écossais, du fait de leur constitution, risquent d'être beaucoup plus rapidement autonomes que les Catalans qui se heurtent à un pouvoir centralisateur à Madrid qui ne peut pas supporter. Absolument. Et sur la question dont tu parlais, moi, j'avais été très surprise par les enquêtes, parce qu'il y avait énormément d'enquêtes sociolinguistiques. La population catalane est sans arrêt interrogée, et ce qui fait qu'on a beaucoup de données. Et en fait, ce qui arrivait en tête, c'était pas du tout la préservation de la langue, de la culture, de l'identité catalane, mais c'était la démocratie. Et qu'ils avaient l'impression que l'État central espagnol était un État qui n'était pas démocratique. Et qu'en fait, ce à quoi aspire la population catalane, c'est à plus de démocratie. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus sur des critères de qu'est-ce que nous apporte cet État dominateur, là, centralisateur. Et qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans les années à venir? Et moi, ça m'avait vachement éclairé ces enquêtes-là, en me disant, ah ben oui, finalement, nous, on a toujours l'impression que les Catalans, à la fond, dans la langue, dans la culture, dans l'identité, même si la langue est un point essentiel, cette histoire de démocratie est aussi importante, voire plus, d'accord, pour cette volonté d'autonomie. Enfin, c'est ce que j'avais compris suite aux communications qu'il y avait aujourd'hui. Je ne connais pas cette enquête, mais elle est intéressante. Mais c'est vrai que la langue, pour nous, est essentielle. Le nerf de notre identité, c'est le fondement de notre identité. Par contre, c'est vrai que la démocratie, effectivement, nous y sommes très attachés depuis toujours. Je crois que c'est Pablo Casals qui a Washington un jour a joué de son violoncelle et leur a dit à tous ceux qui l'écoutaient, je suis d'un petit peuple qui était déjà à la recherche de la démocratie et de la paix au Moyen-Âge et qui avait célébré déjà la paix et trêve de Dieu à Toulouse en 1051, etc. Il leur expliquait que la Catalogne était aspirée à la démocratie depuis toujours. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette aspiration profonde à la démocratie, mais notre identité est à la fois moderne et ancienne, économique et culturelle et linguistique, évidemment. Alors, quel est l'argument ? Identité et économie, c'est un très bon mélange pour réussir pour un État, qu'il soit petit ou grand d'ailleurs. Et donc, comment dire, je suis conscient qu'il y a une partie de la bourgeoisie, entre guillemets, il faut dire, bretonne, qui effectivement joue cette carte de l'identité et de l'économie. Et ça réussit, du moins jusqu'à maintenant, même s'il y a des problèmes dans le modèle breton. Non pas une question, mais une demande. Dans notre groupe Hermine, j'ai la grande faiblesse d'introduire quelquefois des questions de philosophie, de coloration. Très bien. Donc, je ne sais pas si je suis bien placé. C'est est-ce que vous pouvez, à un moment ou à un autre, vous pouvez, comme vous nous l'avez promis, mieux éclairer la question, la conceptualisation de la société civile. Votre conception ou les conceptualisations en jeu, et notamment par rapport au parti politique que vous avez introduit tout de suite, c'est-à-dire à la représentativité des partis politiques et à la légitimité discutable des partis politiques. Question aussi qui est en jeu en France. Hein. C'est une question très intéressante. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre du point de vue philosophique. Mais vous avez donné déjà des réponses matérielles. L'usage maintenant est très facile. J'ai travaillé sur cette notion de société civile. Lorsque j'ai vu que la Catalogne se mobilisait de cette façon, ma façon d'intervenir dans le débat, ça a été de participer à des conférences dans lesquelles j'ai parlé de la société civile dans le monde entier. J'ai profité des printemps arabes, mais pas seulement, pour parler de la structuration des sociétés civiles ailleurs dans le monde, qui est un phénomène nouveau, qui est très important dans de nombreux pays, notamment au Brésil, notamment en Turquie, mais aussi en Égypte et en Tunisie, bien sûr. Et lorsque j'ai comparé la structuration de ces sociétés civiles, disons, nouvelles, à la société civile catalane, je me suis aperçu que l'histoire était différente, que derrière, il y avait une tradition historique de la Catalogne à se structurer comme société civile. Il y a donc des sociétés civiles fortement structurées, et je m'en revendique, et je crois que la Catalogne en est une, et d'autres qui le sont moins, pour des raisons historiques également, et qui, à un moment donné, prennent conscience et se structurent aussi. Il y a eu des mouvements comme Tamarod, en Égypte, qui a regroupé jusqu'à 20 millions de personnes. C'est-à-dire que ces sociétés civiles ont, maintenant avec les réseaux sociaux, ont la faculté de s'organiser et de travailler en réseau et d'avoir une réussite aussi. La même chose au place Taksim en Ankara. Et donc, c'est très curieux parce que lorsque j'ai expliqué tout cela à mes compatriotes catalans, ils étaient surpris de voir que j'étendais le débat à d'autres pays qu'ils ignoraient et où ils voyaient bien que c'était différent, mais qu'il y avait comme un écho entre ces sociétés civiles d'ailleurs et la nôtre. Et notre souhait, c'était faire en sorte que notre société civile puisse influer sur les structures politiques et sur les partis politiques eux-mêmes. Et parfois, y entrer et se compromettre. Et effectivement, des dirigeants de l'ANC, des femmes notamment, qui étaient des dirigeantes, sont entrées et sont devenues des députées, ont été nommées à des postes de responsabilité. Elles y sont encore actuellement. Il y a donc un rapport entre société civile et société politique. Mais ce feedback devrait être incessant dans toutes les sociétés. Elle ne l'est pas toujours. Elle est souhaitable, je pense. Je ne sais pas si je réponds en partie à votre question. Oui. Question, c'est aussi la dimension par rapport à l'Europe, quoi, qui est peut-être... Oui. L'Europe, tu as parlé d'Écosse, pareil, ça provoque un peu l'incertitude, peut-être dans l'opinion... Oui. Si la Catalogne devenait indépendante, pourrait-elle continuer à être dans l'Union européenne ? Il est évident que les Catalans se sentent très européens. Jordi Pujol disait humoristiquement, et je suis d'accord avec lui, la Catalogne est carolingienne. Donc s'il est carolingienne, parce que Charlemagne est venu nous libérer des musulmans, soi-disant jusqu'en l'an 800. Et donc, nous sommes carolingiens. Et donc, comme nous sommes carolingiens, nous sommes de l'Europe des 6. Non pas des 12, des 6. C'est-à-dire des premiers Européens. Nous sommes carolingiens. Pas de chance, hein. Personne n'est parfait. Pour répondre à votre question, nous sommes très Européens. Très Européens. La chance de l'Écosse, c'est qu'elle a en face un État qui est démocratique. C'est une des plus vieilles démocraties quand même, l'Angleterre, et que l'Espagne n'est démocratique que depuis 35 ans. Et donc, nous avons en face un État qui n'est pas tout à fait dans le même moule que Cameroun. Il y a aussi, enfin, pour l'Écosse, c'est un peu vrai aussi, mais c'est la région économiquement la plus forte de l'Espagne. Donc, Madrid n'a pas du tout intérêt à se dé... De la même façon que l'Angleterre n'a pas du tout d'intérêt que l'Écosse s'en éloigne pour des tas de raisons. Là aussi, économique, stratégique et autres. C'est vrai. Et donc, nous avons un problème. L'Europe a un problème avec, qui n'est pas résolu sur ces quatre cas. Barroso, avant de plier bagages, le président de la communauté européenne, Barroso avait dit, effectivement, il y a quatre demandes sur ce bureau. Deux qui proviennent de partis, de groupes de gauche ou de centre-droite et de centre-gauche, qui sont l'Écosse, la Catalogne, mais il y avait aussi les Flandres et la Padania, l'Italie du Nord. Alors, évidemment, mettre dans le même sac quatre demandes, deux étant de droite et d'extrême droite, dans le cas de la Padania, c'est-à-dire du nord de l'Italie, hein, de Umberto Bossi, etc. Et donc, et le Vlaam parti de Hollande, c'est-à-dire, ou des Flandres, c'était... très compliqué à résoudre ce problème. En tout cas, l'Europe n'a pas résolu ce problème des demandes. Ça pose un problème à l'Europe, et il faut dire que l'Europe étant dans une situation de faiblesse extrême, ce ne sera pas le meilleur moment pour demander, pour faire qu'il y ait une issue favorable à cette demande. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Il y a donc une négociation à trois bandes avec Madrid, lorsque Madrid sera disposé et lorsque l'Europe voudra bien. C'est-à-dire que nous sommes devant un problème immense, un défi considérable pour l'indépendance. Mais bon, il ne faut pas désespérer. Qu'en est-il de Valencia ? Pardon ? De Valencia, qu'en est-il de Valence ? Oui, puisque linguistiquement, donc c'est oui, catalan. Une chose, c'est la Catalogne, une autre chose, c'est Valence. Valence était un territoire de langue catalane, puisque le catalan, lors de la Reconquête, est descendu jusqu'à Elche, lors de la Reconquête. Alors c'est à peu près la même langue, ce n'est pas tout à fait la même culture, puisque la présence musulmane a été de 5 siècles dans le pays valencien. C'est pour ça qu'il y a des fêtes où Moros y Cristianos, c'est une tradition à Valence. Alors, du point de vue politique, il n'était pas arrivé à l'indépendance en 1936, et on peut dire aussi qu'il n'y a pas une bourgeoisie telle que la bourgeoisie catalane qui poussait derrière cette revendication. À Valence, c'était... autre chose, c'était plus rural, c'était plus traditionnel. Ce n'était pas une société industrielle telle que la Catalogne l'est depuis le 19e siècle. Rien de tel à Valence. Par contre, oui, au Pays Basque, il y a une industrialisation au Pays Basque, mais c'est une industrialisation différente de celle de la Catalogne, qui serait sur le modèle turinois, ou lyonnais, si vous voulez, de l'industrie moyenne et du textile, etc., alors de transformation. Alors qu'au Pays Basque, c'est l'industrie lourde et la grande banque. C'est le modèle anglo-saxon de développement industriel. Nous avons là les deux modèles de l'Espagne. Avec une bourgeoisie qui n'est pas ce qu'elle donne. Exact. Avec une bourgeoisie qui crée le Banco de Bilbao, le Banco de Bilbao, et qui est intéressée par un marché espagnol. Et donc, il est évident que la culture, le rapport de la culture et des Basques est tout à fait différent de la Catalogne. On passe au nord. Ouais. Catalogne du Nord. Tu peux boire un coup avant. Ah couloir, oui, merci. Je vais chercher de l'eau un peu partout. Elle est fraîche. Très fraîche. Vous vouliez poser une question, non ? Non, elle vient de Lourdes, c'est bon. C'est de l'eau lourde. De l'eau lourde. Ça va me faire carburer. Petit rappel historique entre la Catalogne du Nord, j'en ai déjà parlé, le Roussillon, donc dans l'État français. Le petit rappel historique, c'est, ça concerne cette fameuse opposition des différences entre les deux Catalognes, c'est-à-dire qu'il y a une révolution industrielle depuis la moitié du 19e siècle en Catalogne, comme dans toute l'Europe centrale et en France, et en Italie du Nord, mais rien de semblable dans le Roussillon. Pourtant, en lisant Barjouan, qui a fait sa thèse sur l'identité catalane, j'ai appris que la bourgeoisie rurale et rentière de la Catalogne du Nord, une certaine partie de cette bourgeoisie, souhaitait une révolution industrielle dans le Roussillon. Mais peut-être cette industrie avait existé au Moyen-Âge avec les forges catalanes et le fer du Canigou, mais depuis, plus rien. On n'a pas fait le saut dans les hauts fourneaux facilement. On en a créé un. On a créé un haut fourneau, je pense qu'il était symbolique. Et donc, il n'y a pas eu de révolution industrielle malgré les désirs de certains dirigeants de la première moitié du 19e siècle dans le Roussillon. Je pense que cette idée, vous devez aussi y réfléchir, les Bretons, pour savoir quelle est la structure industrielle qui s'est créée, comment s'est-elle créée, depuis quand, quelles sont les classes sociales impliquées dans ce processus, parce que pour ce qui est de la Catalogne, les choses sont claires. Nous sommes sur le modèle turinois, concentration de classes ouvrières, industrie importante et moyenne, et un pays qui s'industrialise partout. Pas seulement Barcelone, c'est tout le territoire qui est impliqué. Et donc, et on travaille aussi bien pour Cuba que pour la Première Guerre mondiale, et on va faire des affaires. La bourgeoisie catalane va connaître une certaine splendeur donc à la fin du 19e, début du 20e. Et va avoir une certaine force économique qu'elle va faire valoir à Madrid. Voilà pour... alors, rien de tel, je dis bien, en Catalogne du Nord, où ça perdure une société éminemment rurale et où le capitalisme est un capitalisme rentier, quoi. Celui qui a des capitaux ne les fait pas travailler. Il vit de ses rentes. Ce capitalisme rentier, c'est... existe encore et freine tout développement et toute velléité de développement. Ensuite, sur le plan idéologique, on en est un double patriotisme au début du XXe siècle. On admire la France, évidemment, la France est admirable sur beaucoup de plans à ce moment-là. Et on a aussi l'amour de sa terre natale. Et donc, ce double articulation, c'est-à-dire le pays à grande culture, c'est la France. Et la petite culture, c'est notre patrimoine, c'est notre terre, c'est nos ancêtres. Vous devez connaître sûrement ce refrain. Double patriotisme et beaucoup plus tard, émergence des mouvements identitaires nord-catalans au XXe siècle. J'ai fait passer un papier, je ne sais pas si vous l'avez reçu, une communication sur l'émergence, pour si certains s'y intéressent, de Toronto. D'accord, mais si quelqu'un le souhaite, si quelqu'un souhaite, à une rencontre à Toronto, nous avait demandé de réfléchir sur l'émergence à partir des années 70 des mouvements autonomes, des mouvements politiques dans tous les territoires du monde. Hein. Et c'était une rencontre internationale et nous avions fait une communication avec Martine Berthelot, que vous connaissez certains d'entre vous, sur la Catalogne du Nord. Donc c'est pour ça que je renvoie à ce travail. Sur les mouvements identitaires nord-catalans. Je passe sur la période de la Deuxième Guerre mondiale et de la compromission de certains intellectuels avec le mouvement nazi. Ça existait ailleurs, je crois. Démographie, ensuite, nous sautons dans les années 60-70 avec une démographie du remplacement, c'est-à-dire une société qui n'est plus d'émigration, on ne part plus travailler vers le nord, pour les nord-catalans, mais au contraire, on va recevoir de nouvelles populations. Ça commence avec les pieds noirs. Il y a un afflux de pieds noirs qui arrive d'Afrique du Nord en 1962 et qui est considérable, mais ce sera les premiers. Ils vont s'intégrer comme ils vont pouvoir. Ce sont des Méditerranéens, donc pas de problème d'intégration. Par contre, vont arriver des Belges et des gens à la recherche de l'héliotropisme. Et pas seulement des retraités. Au début, bien sûr, ce sont des retraités, mais ensuite, maintenant, ça concerne toute la population. dans les services, tout le monde préfère travailler au soleil que dans les brumes nordiques. Et donc, forcément, il y a un afflux considérable. Et on peut dire aujourd'hui, d'après les normes INSEE, que 50% de la population est exogène, n'est pas du territoire, n'est pas née dans le territoire, mais est née ailleurs. Ensuite, le mouvement... Je ne sais pas, je crois que là, je suis en train de... J'aurais dû passer par là, et je n'y suis pas passé. J'ai expliqué donc ce qui s'est passé dans l'État espagnol. Oui, dans l'État espagnol, de la deuxième moitié du 19e siècle, la Catalogne et le Pays basque opèrent seuls une révolution industrielle comparable à celle du Pays des Nord, comme je l'ai dit, avec deux modèles de révolution industrielle. Malgré les velléités et les projets, rien de semblable n'a lieu dans le Roussillon, où il existe donc des complexes et une dépendance et un ruralisme prononcé. Conséquences linguistiques et culturelles, politiques négatives sur le long terme. Les sociolinguistes appellent ça le self-hatred, c'est-à-dire l'auto-haine. C'est qui est quelque chose de très grave, ou refoulement si vous préférez. Refoulement de sa propre identité, c'est-à-dire refoulement de sa langue. Nous sommes dans une période où triomphe le patriotisme français dans les années 20-30 et où on va nier l'identité propre et sa langue propre qui sera négligée, refoulée, oubliée, effacée. À tel point qu'aujourd'hui, lorsqu'on introduit le catalan dans le Roussillon, on l'introduit comme langue seconde. Parce que le chamboulement et le changement de langue maternelle s'est opéré, curieusement, assez tard, dans les années 50 seulement. Dans les années 50, on peut dire que la langue maternelle, il a fallu donc 3 générations pour que la francisation opère en Roussillon, comme ailleurs d'ailleurs, en Occitanie c'est aussi le cas, je suppose ici aussi. Et donc c'est jusque dans les années 50 où encore on peut trouver des natifs en langue maternelle catalane. Mais après c'est fini, on n'en a plus. Et donc maintenant tout le monde a été francisé, même les Catalans, et ils ont perdu la langue. Alors vous appellerez ça comme vous voulez, les linguistes anglo-saxons ont un terme très fort qui est celui d'auto-haine. Mais bon, refoulement ou abandon de la langue propre, c'est le terme également. Ce sont deux perspectives clairement opposées au XIXe siècle en Espagne. C'est un pays archaïque qui n'accède pas à la modernité. Ce sont des monarchies, des pronunciamentos, des dictatures et une instabilité politique qui fait de l'Espagne une Espagne invertébrée. C'est le titre d'un des œuvres d'Ortega y Gasset en 1927. L'Espagne est invertébrée, la France est hautement vertébrée. Il faut dire que la France a réussi la prouesse de la création d'un État moderne au XIXe siècle et elle s'en est donné les moyens grâce au colonialisme. Je pense que le colonialisme a imprégné toute la société française, toutes les structures de la société française, même les mentalités de la société française. Et donc cette idéologie a procuré également pour l'État des rentrées considérables et a permis de créer un État fortement centralisé et qui fonctionnait avec des fonctionnaires formés, avec une école laïque, avec des instituteurs formés et quelque chose de solide. Si je compare avec l'Espagne, l'Espagne est en train de perdre au contraire ses dernières colonies en 1898, Filipinas et Cuba. Et donc nous sommes dans la décadence la plus totale et l'Espagne est un État qui n'a pas les moyens de sa politique. Et donc, c'est un État exsangue qui n'arrive pas à construire une école laïque et où l'Église a encore un pouvoir considérable. Et donc, nous sommes dans un... C'est, là aussi, on pourrait dire qu'entre l'Espagne et la France au XIXe siècle, c'est le jour et la nuit. C'est deux États complètement opposés. Un qui réussit, l'autre qui ne réussit pas à rentrer dans la modernité. Alors ceci, évidemment, la bourgeoisie catalane le voit très bien et va opter pour défendre son propre modèle face au modèle, s'il y a un modèle espagnol. Au XIXe siècle, par contre, en France, une supériorité affichée avec le colonialisme et c'est un État avec une école laïque et centralisée qui fonctionne, comme je le disais. Les élites roussillonnaises ressentent, évidemment, cela et semble très fier d'appartenir à la France Par contre, les Catalans, au même moment, ne sont pas du tout contents d'appartenir à cette Espagne archaïque et qui n'arrive pas à entrer dans la démocratie. Et donc, les Français sont fiers de la France, mais pas les Espagnols. Et les Espagnols connaissent parfois des déboires avec les dictatures et sont obligés de venir en France. Je me souviens que même sous le régime franquiste, des Catalans venaient à Perpignan, ne serait-ce que pour voir un drapeau immense catalan flotter sur le Castillet, vous voyez, qui est un château de Perpignan que tu connais. Et donc, c'est touchant, mais c'est malheureux à la fois, non ? Je veux dire que tout ceci a existé jusqu'à il n'y a pas trop longtemps. C'est-à-dire la démocratie en Espagne, c'est un phénomène récent, 35-40 ans, c'est tout. Parfois une démocratie mal digérée par les élites madrilènes. Une démocratie à rebrousse-poil. En tout cas, fin du 19e siècle, ce que l'on peut retenir, c'est un sentiment catalaniste se renforce en Espagne. Par contre, en France, il s'affaiblit, je dirais même qu'il disparaît même. Je vous ai mis une œuvre d'un écrivain, Ode à la Patria, c'est 1933. Carles Arribau écrit ce livre qui va marquer le mouvement de la Renaissance, la Renaissance catalane, qui va accompagner, c'est ça qui est intéressant, au 19e siècle, il y a donc révolution industrielle, mais il y a aussi révolution culturelle en même temps, la Renaissance, la Renaissance. Le Rinascimento en Italie. Et donc, le Risorgimento, pardon, en Italie. Et donc, nous sommes là dans deux perspectives également opposées pour ce qui est de la France et de l'Espagne. Du double patriotisme à l'émergence des mouvements identitaires nord-catalans, j'en ai parlé un peu, je me suis avancé tout à l'heure. Ce double patriotisme des élites roussillonnaises provient du XIXe siècle. C'est amour et respect de la France pour sa langue, sa culture illustre et son prestige politique. Amour et nostalgie aussi de la terre des ancêtres et des traditions populaires ancestrales catalanes. On va passer du régionalisme de Charles Brun en 1930 à une attitude de subordination et de self-hatred par rapport aux Français. Ça concerne surtout la langue qui est refoulée. De début du XXe siècle, le catalanisme sera d'abord l'apanage de la droite cléricale, monarchiste et maurassienne en France, puis celle-ci sera déconsidérée à la Libération. Ce mouvement sera repris par les groupuscules de gauche contestataires à partir de mai 68. C'est ce document dont je vous parlais tout à l'heure de l'Université d'Ottawa. La démographie de remplacement, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, je passe très vite. Je vous disais que près de 50% de la population n'est pas d'origine catalane. Et il y a donc, du point de vue de la structure économique, 6% d'agriculteurs, 20% d'ouvriers, 30% d'employés et 9% de cadres et professions libérales. Le nombre de retraités est 33% à la recherche d'héliotropisme. Le nombre d'immigrés est de 10%. Au total, près de 50% de la population n'est pas d'origine catalane, je l'ai dit. Enquête sociolinguistique, ah oui, les enquêtes sociolinguistiques indiquent que, généralement, si elles sont faites en français, c'est un locuteur sur quatre parlerait catalan. J'ai fait cette même enquête, mais en catalan, et elle donne des chiffres différents. Elle donne 18% savent le parler, et nous faisions l'enquête en catalan au téléphone, et 16%, pardon, et 46% le comprennent. Donc, voilà la situation de la langue. Ça ne veut pas dire que ces 18% qui savent le parler, le parlent toujours. Parce que s'ils ont beaucoup plus de locuteurs devant eux qui ne le parlent pas, ils passent au français tranquillement. On peut dire qu'il faut les forcer parfois pour qu'ils parlent catalan. À Serré, où j'habite, il m'arrive de parler catalan à tout le monde. J'ai parfois des refus catégoriques. Mais parfois, je réussis à communiquer quand même. 50% de la population de Serré parle catalan. Voilà pour les enquêtes. Pour ce qui est de l'enseignement, disons 25% sont dans ce qu'on appelle l'initiation. Ils reçoivent une heure par-ci, une heure par-là de catalan ou de culture catalane. 6% sont dans les filières bilingues. Je pense que c'est la bonne solution. Elle a augmenté récemment. Et les écoles d'immersion sont purement symboliques. Elles regroupent 2% avec la Brassola et Arels. C'est vrai que ces écoles ont eu le même traitement que Diwan lorsque le Conseil d'État leur a dit que la langue de la République, c'est le français et pas les autres. Voilà pour ce qui est de l'enseignement. Je fais une parenthèse parce que j'étais à Perpignan il y a 4-5 mois de ça. Il y a plus d'une centaine d'enfants qui n'ont pas eu droit à l'école dans le Bressola par refus des municipalités. Donc c'est plus dur comme contexte que pour le breton. Oui, absolument. Je pense que le breton est dans une situation bien supérieure, bien meilleure. C'est pas seulement les municipalités, c'est que la même structure de la Brassola ne permet. Ils en sont à 6 ou 6 centres scolaires, il leur en faudrait davantage, il faudrait augmenter les moyens, ils n'ont pas les moyens. La généralité de Catalogne donne de l'argent aussi, mais récemment, avec la compression des budgets, ils en donnent moins. Et donc, c'est une situation d'impasse. Elle est symbolique, elle est importante d'exister, elle existe. Mais elle est dans une impasse, elle ne se développe pas depuis une quinzaine d'années. Nous sommes dans les mêmes même nombre de. Pourtant, ils ont la grande chance d'avoir des catalanophones qui viennent de Catalogne du Sud, c'est ça. Interlocuteurs qui sont enseignants. C'est ça. Un vivier d'enseignants qui est énorme par rapport à. Oui. Ils étaient formés par la faculté des sciences de l'éducation où j'appartenais à Barcelone. Nous formions et certains partaient pour la Catalogne du Nord. Ça leur faisait une ouverture de travail. C'est vrai. Par contre, les filières bilingues, je pense que dans le contexte français, c'est bien que l'école publique se compromette dans cette solution et que c'est une des voies que je crois favorable. Je vous ai photographié le castillet avec la basse devant. Ça, je l'ai fait. La minorité, le mouvement catalaniste maintenant en tant que minorité agissante. C'est une minorité très politisée, agissante, qui est crainte par les autorités départementales et régionales. Un exemple, ça a été l'abandon du projet de Fraisse. Georges Fraisse était le président de la région qui est décédé, que vous avez sûrement entendu parler, fort en couleur et en gueule. C'est vrai, je vous ai pensé à Tartarin de Tarascon. Et il avait lancé l'idée de la Septimanie. Alors évidemment, c'était bon pour un historien, puisque ça remontait à un territoire datant des Visigoths, dans lequel personne ne se reconnaissait, en tout cas pas les Catalans. Et donc, une campagne contre, comme vous voyez, la région Languedoc-Roussillon, ivre de Septimanie, c'était les slogans de l'époque, et les manifestations ne manquaient pas. Et c'était cette minorité agissante qui réussissait à faire reculer les autorités sur des projets comme celui-là. Les responsables politiques catalans veulent récupérer cependant la catalanité avec des slogans comme l'accent catalan de la République. Alors là, il faut le faire. Et la gauche, c'est la gauche du département. Un jour, j'ai demandé à Bourquin qu'est-ce qu'il entendait par l'accent catalan de la République. Il me dit, c'est nous mettons l'accent sur le catalan. Je dis non. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que je l'entends. Je pense que c'est l'accent que vous avez lorsque vous avez perdu le catalan. L'accent qu'il vous reste lorsque vous avez perdu le catalan. Ça ne lui a pas plu. Et la droite n'est pas en reste. C'est Perpignan la Catalane. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'elle aide pour autant les groupes comme la Brassola. Si, sur Perpignan, si. Il y a une aide. Mais ce n'est pas la municipalité, il n'y a pas que la municipalité. Oui, il y avait un municipal qui était là, il y avait un adjoint au maire qui disait que Brissola, au contraire, était très bien accueilli à Perpignan. Donc à Perpignan, il n'y a pas de problème politique. C'est ailleurs, donc. C'est la gauche alors. Cette minorité est composée de quelques groupes militants très actifs, comme Unitat Catalana, qui participe à la mairie de Perpignan, Bloc, SEM, c'est-à-dire nous sommes, ANC, Assemblée Nationale de Catalogne, Esquerra Republicana, qui est un groupe politique dont j'ai parlé, qui existe en Catalogne du Nord, Casal Jaume Primé, etc., etc. Donc il existe des associations politiques, souvent, qui se manifestent. Le mouvement culturel nord-catalan, la société civile nord-catalane. Justement, là, vous me demandiez une définition ajustée. Je vous ai répondu pour la société civile catalane, de l'autre côté. Par contre, je mettrai un bémol sur la société nord-catalane. Là, il s'agit de minorités qui, effectivement, sont très politisées, très actives, et qui réussissent à faire plier les autorités, mais qui ne réussissent pas à mobiliser les masses, disons, nord-catalanes. Il y a des manifestations dans lesquelles le maximum que nous puissions arriver, c'est 3 000, 5 000 personnes maximum, pour une population de 400 000 personnes dans le département. Il existe une tradition littéraire, une société qui est là depuis la fin du 19e siècle, qui s'appelle la Société agricole et littéraire des Pyrénées-Orientales, agricole, scientifique et littéraire. Hein. Comme vous voyez, le fait que ce soit une société agricole démontre que la société voyait l'agriculture comme le seul créneau de développement économique et scientifique. Ces revues culturelles et littéraires ont joué un rôle important, certaines d'entre elles, des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Il existe aujourd'hui une fédération des organisations culturelles nord-catalanes depuis 1980 qui regroupe l'ensemble des associations culturelles nord-catalanes, 80 à peu près. J'en cite quelques-unes, Airenau de Bao, c'est une ville, Bao, Casal Jaume Primer, le Casal catalan de Perpignan. Je cite le Centre culturel du Vallespir dont je m'occupe et qui publie cette revue. Je vous fais voir ce dont nous sommes quand même capables, c'est de publier des revues en catalan qui sont distribuées aux autorités et aussi qui sont vendues dans les... Vous verrez qu'il y a un article de Charles Vidguin en ce qui concerne la culture basque. Je vous donne l'exemple de cette association dont j'ai été un des fondateurs, qui s'appelle le Centre culturel du Vallespir. Le Vallespir est une petite vallée parallèle à la frontière. C'est peut-être un réservoir linguistique nord-catalan, parce que c'est la plus proche du catalan et de la frontière. Frontière qui, en principe, n'existe pas. Mais bon, elle est dans la mentalité des gens, elle est dans les têtes plutôt que dans la réalité. Cette revue, cette association, Centre culturel, regroupe une quarantaine d'associations du Vallespir culturelles, certaines parlent en catalan, d'autres pas, mais qui travaillent toutes sur la culture catalane. Nous avons voulu restituer une revue qui existait dans les années 30 et qui était éditée dans les années 30 en français. Mais il ne parlait que du Roussillon, il ne parlait que des Catalans, seulement il le faisait en français. J'ai bien dit tout à l'heure que dans les années 30, la francisation avait opéré et que le catalan était rejeté au culte des ancêtres. Et donc, nous avons repris cette revue et nous l'éditons totalement en catalan. Parfois, on nous demande de la faire bilingue. Ça reviendrait trop cher, on leur dit, écoutez, il existe beaucoup de revues françaises, vous n'avez qu'à choisir, alors qu'il y en a une seule en catalan, et nous la maintiendrons en catalan, comme Victor Hugo. Nous sommes les derniers. Voilà pour le Centre culturel et cette revue. Il faut dire que nous avons beaucoup plus de lecteurs de l'autre côté de la frontière que de ce côté-ci. Elle est vendue également à Perpignan, cependant. Il existe aussi en Catalogne du Nord Radio Arrels, qui est une radio qui, depuis les radios libres de la campagne Mitterrand de 1981, existe. Et aussi, vous avez entendu parler de l'USAP, cette équipe de rugby de Perpignan qui gagnait parfois. Elle est en seconde division actuellement. Et donc Mais est-ce qu'on se demandait si elle avait agi comme une machine identitaire? C'est-à-dire si l'équipe de rugby de l'USAP était, à l'image du Barça, une machine identitaire. Vous savez que le Barça, le club de football de Barcelone, est une machine pour les immigrés surtout, du monde entier qui vivent en Catalogne. Et d'ailleurs, il m'arrive de voir des maillots du Barça un peu partout dans le monde. Et donc, je me suis dit que le Barça fonctionnait comme une machine identitaire, c'est-à-dire que tout le monde se reconnaissait dans cette équipe de football. Est-ce qu'il a existé à un moment donné cette même image pour l'équipe de rugby de Perpignan? Je n'en sais rien, mais parfois, oui. Sont apparus deux groupes actuellement très actifs qui sont branchés aussi bien SEM que ANC de Catalogne du Nord de 2010 à 2012 à 2014. Ces deux mouvements de la société civile, là aussi, sont branchés sur ce qui se passe de l'autre côté. Alors, eux se sentent indépendantistes. Ils se sentent indépendantistes en France, pour le mouvement catalan, tout en sachant que les choses ne sont pas pareilles de ce côté-ci que de l'autre. Mais bon, n'empêche que mes collègues et copains du centre culturel, j'en ai la moitié qui sont enfiévrés et qui suivent ce qui se passe de l'autre côté d'une façon plus radicale que j'allais dire que moi, que d'autres. Et donc, c'est vrai que ce mouvement existe, il est évidemment faible, mais il existe. La preuve, c'est lorsque ils ont fait une manifestation comme le LibDup en 2013 de la Catalogne du Nord. Là, on a regroupé tous les mouvements culturels qui ont fait une manifestation pendant toute la journée. Les LibDup ayant été une mode en Catalogne, ont filmé des manifestations qui se passaient dans des villages et dans des rues, et dans lesquelles les gens faisaient la fête, faisaient des activités, et tout cela a été filmé et mis sur les réseaux sociaux. Et ça a eu un impact considérable, ces LibDup. La même chose s'est passée en 2013 pour la Catalogne du Nord, et ça a été un succès. Toujours pareil, c'est ces minorités agissantes qui ont réussi à mobiliser tous ces gens-là, et ça a marché. Une autre manifestation, c'est le Correllengua. Je ne sais pas comment traduire ce Correllengua. Il vaut mieux que vous regardiez l'image, le graphisme qu'ils se sont donné. Vous voyez qu'il est assez significatif. On court pour la langue, on défend la langue. C'est l'image que l'on veut donner. De l'autre côté, en Catalogne Principat, c'est plutôt vu sous l'aspect des grands écrivains. Correllengua, cultura, libertad. Culture, liberté, démocratie. 2016. La culture et la langue en Catalogne du Nord, une identité catalane, je dis, chancelante et traumatisée depuis les années 30. Perte de la langue et perte de l'identité, c'est ce que chante le chanteur valencien Raimon. La culture, curieusement, est plus présente que la langue. Est-ce une compensation? Souvent, les Catalans, quand je dis ce qui surprend les Barcelonais en goguette dans le Roussillon, c'est de voir qu'il y a des manifestations, que l'on affiche la catalanité d'une façon plus ouverte et plus claire dans le Roussillon que chez nous, qu'en Catalogne. C'est-à-dire, est-ce que la culture n'est pas un ersatz d'identité dans la mesure où elle permet de compenser ce que l'on n'a pas, la langue, et que l'on a perdu? C'est une question plutôt qu'une affirmation. Il existe une culture traditionnelle, évidemment, basée sur le patrimoine nord-catalan, que le Conseil régional en fait sa panacée. Il commence à exister une culture moderne inspirée de la Catalogne Principat, et on commence à voir des manifestations culturelles nouvelles en Catalogne qui proviennent de Barcelone. Il faut dire donc que la culture, l'histoire, les traditions, la langue et l'identité marchent ensemble, souvent la langue étant négligée ou du moins absente. Je termine avec les relations nord-sud entre les deux Catalognes. Ces relations ont toujours existé, elles ont été plutôt ambivalentes entre les deux Catalognes, puisqu'il s'agissait de deux perspectives différentes, mais souvent avec des complicités, et même si on n'optait pas pour les mêmes solutions, il y avait une solidarité implicite entre les Catalans du Nord et les Catalans du Principat, dans les rencontres qui existaient au XIXe siècle. Ce sont des dynamiques actuellement très diversifiées, aussi bien institutionnelles que de la société civile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges entre les deux Catalognes. Par exemple, si je me réfère à l'université, il existe à l'université un département de catalan, que tu connais, mais curieusement, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement le département de catalan qui a des relations avec la Catalogne, mais tous les départements qui ont des accords avec les autres universités. C'est ainsi que l'université de Perpignan et dans le réseau Luis Vives, qui est un réseau universitaire de toutes les universités catalanes, c'est-à-dire de Mallorca, des îles Balears, de Valence, d'Andorre, du Pays Valencien et de Catalogne, et du Roussillon, tous ensemble, dans ce même réseau Luis Vives. Donc il y a une influence considérable du catalan et de Barcelone pour les nord-catalans, pas de doute. Qu'en est-il maintenant du futur de l'Euro-région? Et cette Euro-région, vous la voyez représentée ici, entre Midi-Pyrénées, ex-Midi-Pyrénées et ex-Languedoc-Roussillon, aujourd'hui Occitanie et la Catalogne. Il est évident que dans ce triangle, Barcelone l'emporte, mais il y a un très bon dialogue entre Barcelone et Toulouse. Toulouse étant une ville beaucoup plus avancée et à tous les points de vue que Montpellier. Il y a toujours quelques réticences du temps de Frêche. C'était déjà ça, mais ça l'est toujours. Et donc, il est à la remorque également de Toulouse. Vous avez vu cette polémique qui existait entre Toulouse et Montpellier pour avoir la capitalité. En tout cas, qu'en est-il de cette euro-région, qui est une euro-région importante, qui est appelée à se développer beaucoup plus, qui fonctionne sur le, au niveau des infrastructures, notamment du TGV, bien qu'elle ne soit pas toujours connectée, il manque encore des tronçons, et également du point de vue économique. C'est ainsi que Toulouse, Sud Aviation ou l'aérospatiale, a un quai sur le port de Barcelone. C'est-à-dire qu'il existe des synergies entre les deux. Voilà pour le... Alors, qu'en est-il du futur de la Catalogne et des Catalans? Ça, je suis bien embêté, je ne saurais pas quoi vous dire, et je vais terminer sur un queue de poisson, c'est-à-dire, je ne connais pas le futur, étant donné que nous sommes dans... Mais vous avez vu plus ou moins ce que j'ai pensé du processus de l'indépendance, même si je n'ai pas affiché clairement mon option. Merci. Merci. Merci. Demander ton option. Je suis fédéraliste en pure perte, étant donné que si le fédéralisme est... Ah,